الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله إمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Dans la continuation, inshallah ta'ala, de notre série de cours audio sur les règles et principes du takfir, nous continuons inshallah ta'ala dans la définition de certains termes, et celui que nous allons aborder aujourd'hui est le terme al-shirk. Al-shirk, dans la langue arabe, veut dire associé. Ibn Mandour, il nous dit dans l'Isan al-Arab, shirkun al-shirkatu wa sharika. سواء مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك رجلان وتشارك وشارك أحدهما الآخر. Il dit shirk ou bien shirka ou bien sharika, c'est-à-dire le mélange entre deux associés. On dit ishtaraka pour dire s'associer. Et on dit également deux hommes se sont ishtarak ou encore tasharak ou encore sharaka pour dire se sont associés l'un à l'autre. Donc il dit ça dans l'Isan al-Arab, tome 10, page 448. Mais Allah subhanahu wa ta'ala désigne par le shirk le contraire de l'islam, ce qui signifie mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah, que ce soit dans sa seigneurie, c'est-à-dire les actes d'Allah envers sa création, ou bien dans sa divinité, c'est-à-dire le droit que Allah subhanahu wa ta'ala il a envers ses serviteurs, c'est-à-dire les actes que les serviteurs devraient vouer à Allah. C'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans sa divinité. Donc par un acte, et ceci par un acte, une parole ou une conviction. Je répète, mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah dans sa seigneurie ou la divinité par un acte, une parole ou une conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le pire des péchés est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il nous dit: "Ya'lam rahimakallah anna ash-shirka billahi a'zamu dhanbin 'usiya Allahu bih. Qala Allahu ta'ala: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Wa fi as-sahihayn annahu sallallahu alayhi wa sallam su'ila ay dhanbi a'zam قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك والند المثل قال تعالى فلم تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألوهيته والربوبيته فقد كفر بإجماع الأمة. Il dit le shir, rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le pire des péchés par lequel on désobéit à Allah, c'est en donnant un associé à Allah. Allah a certes dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et dans les deux recueils authentiques, il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du pire des péchés. Il dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et l'égal, c'est-à-dire le semblable. Et Allah a dit, ne donnez pas d'égo à Allah alors que vous savez. Et Allah a dit, et il a donné des égaux à Allah pour égarer de son sentier, dit, amuse-toi un court instant. Avec ta mécréance, tu es certes parmi les gens de l'enfer. Et donc, celui qui place une créature à l'égal d'Allah, dans ce qui n'appartient qu'à Allah, dans la divinité ou la seigneurie, alors il est mécréant à l'unanimité de la communauté musulmane. Il dit ça dans Majmu' al-Fatawa, tome 1, page 88. Par exemple, le fait d'attribuer à une créature un droit que Allah seul mérite, comme l'adoration, ou bien comme l'invocation, ou comme le sacrifice, etc., ceci est du shirk al-uluhiyya, c'est-à-dire le shirk dans la divinité. Comme par exemple, encore un exemple, plus concret cette fois-ci, comme le fait d'accorder à un autre qu'Allah un sacrifice, ou bien une prière, ou bien une invocation. Comme sacrifier pour les djinns, ou bien comme invoquer les morts, ou bien des choses semblables. Également le fait d'attribuer à une créature une fonction qui ne revient qu'à Allah seul, comme le pouvoir de créer à partir du néant par exemple, ou bien de donner la vie et donner la mort, ou bien d'interdire et de permettre, de rendre licite ou de rendre illicite, ou bien de créer des lois, ou bien de trancher entre des litiges et de connaître le futur et les secrets cachés dans les cœurs, ou encore d'exaucer les prières, etc. Alors ceci est du shirk al-rububiyya, c'est-à-dire du polythéisme dans sa seigneurie. Comme par exemple, donner à un autre qu'Allah le pouvoir de connaître l'avenir, de guérisseur, de créateur, de pourvoyeur, de donneur de vie ou de mort, le législateur, etc. Et également s'attribuer à soi-même un pouvoir, ou bien un droit qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de se prétendre à soi-même le pouvoir de créer, de donner la vie et la mort, ou bien de prédire l'avenir, ou bien encore de légiférer, ou bien encore d'être invoqué ou adoré, ou de trancher les conflits, etc. Alors ceci est encore pire, ceci est la pire des catégories de l'idolâtrie, car celui qui commet cela est un tarout, wal'ayyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune action d'un mushrik, d'un associateur, d'un polythéiste, même s'il était ignorant. Même si cette personne, elle ignorait qu'elle faisait du shirk et qu'elle était une personne associatrice, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui. Allah ta'ala, il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Celui qui adore un autre qu'Allah par ignorance ou bien par erreur, alors ce n'est pas un musulman. Pourquoi ? Parce que l'islam consiste à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il ne reste aucun islam lorsque la personne adore un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit فَاسْمُ الْمُشْرِكِ ثَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ وَيَعْدِلُ بِهِ وَيَجْعَلُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا قَبْلَ الرَّسُولِ. Il dit, le nom de mushrik, c'est-à-dire de polythéiste ou d'associateur, est affirmé avant que le message du prophète ne soit envoyé. Car en effet, il donne des associés à son Seigneur et place d'autres dieux que lui. Et il lui donne des égaux. Et tout ceci avant que soit envoyé le messager. Il dit ça dans Majmu' al-Fatawa, volume 20, page 38. À partir du moment où l'homme adore un autre qu'Allah, il cesse d'être musulman, car le musulman, c'est celui qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui cesse d'adorer un autre que lui. Et même si cette personne est ignorant, alors il n'est pas monothéiste, il n'est pas mouahid, il n'est pas musulman, car il adore un autre qu'Allah. Un être humain, est soit monothéiste, soit polythéiste. Soit c'est un mu'min, muslim, ou bien c'est un mushrik, un polythéiste. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il dit, ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشرك. وليس في بني آدم قسم ثالث، إما موحد أو مشرك. يجي الشيخ الإسلام ابن تيمية يجي c'est pour ça que quiconque n'adore pas uniquement Allah c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Et il est donc polythéiste. Et il n'y a pas trois catégories d'êtres humains parmi les descendants de Adam. Soit c'est un mu'min, soit c'est un mu'ahid, pardon, soit c'est un monothéiste, ou bien c'est un polythéiste. Il n'y a pas une troisième catégorie. Puis il dit, toute personne ne consacrant pas l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul est fatalement idolâtre et adorateur d'un autre qu'Allah. Il est en vérité adorateur du diable. Tout fils d'Adam est soit adorateur d'Allah, soit adorateur du diable. Nous retenons ici que le shirk signifie donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par un acte, une parole ou bien par une croyance. Et que celui qui commet le shirk librement et par choix ne peut être considéré en même temps musulman. Même s'il affirme être musulman, même s'il dit je suis musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il accomplit le hajj. Si cette personne-là, elle adore un autre qu'Allah, alors elle n'est pas musulmane. Pourquoi? Parce que le musulman n'est autre que celui qui ne commet aucun acte de shirk. S'il est incapable de savoir que ce qu'il fait est interdit et qu'il meurt ainsi, alors il sera mort sur la mécréance et sur le shirk, billah azza wa jal. Et Allah, il ne pardonne pas à cette personne-là. ونكتفي على القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين ويبعثنا من المؤمنين الصالحين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.